Pas de temps à perdre, cousin, pas de temps à perdre. Non, non. Pas de temps à perdre, un mot de plus. Yeah. Ok. Tatouage sur pommade, je nie tout. Musique qui se lève, t'as trop mal, pourtant je vis tout. Tout ce que je dis est vrai, rien n'est inventé. Je ne possède rien d'autre que ma voix, je n'aime pas me vanter. Génération mal rasée, même pour un entretien. Génération artistique sur les murs ou sur la peau. L'encre que j'utilisais pour ma plume et pour les miens. V'là ma façon de montrer ce que j'ai sous le capot. Si tu penses perdre ton temps, je milite. Pourtant présent pour percuter mes limites. OP après avant qui est mes délits. Personne n'est à l'abri d'être intimidé. Percussion, l'impact de mes idées. Pas de cuisson, tu n'es pas invité. Paire de cuisses, tu t'es faufilé. Je touche le fond comme un équidé. La partie n'est pas finie, lancées sont tout juste les dés. Je préfère mener solo, besoin de personne pour m'aider. À part mon son, ma famille et ma lady. Je ne ressens pas le besoin de crier Mayday. La vie n'est qu'une bataille, lève le pied si t'es bataille. Le pion, le fou, le roi finissent au même endroit. Tous dans le même panier, tous les mêmes emmerdes. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Pourquoi se mettre à la toiture si les murs ne tiennent même pas. Les fondations sont primordiales, les critiques ne me gênent pas. Artiste malgré moi, je pose mon troisième pilier. Je crache pas dans la soupe quand c'est pour se faire un billet. Ma tolérance fut là même que sur un instru plié. Point ferme, stylo en main, les yeux rivés sur le sablier. Encore beaucoup de chemin à faire avant d'arriver chez le tuilier. Je compose jour après jour des mesures par milliers. Mon but dans tout ça, je veux que mon place te soit familier. La base de l'artiste pour pouvoir monter en palier. Percussion de mes idées, Gigi ou canon scié. Ma voix sur l'instru ne sera jamais réconciliée. En écartant les soucis, sans rien oublier ce coup-ci. Pardon à ceux que je heurte, je leur dirai ce coup-ci. Coup de hache dans la foule, faites-moi de la place pour passer. Coup de fusil, poule, lyricalement chassé. Quelques phases houleuses pour un level surclassé. Passe pas derrière moi le rap qui est mes vers glacés. Intempérie dans le son, j'entends même plus la caisse claire. Le rap français est refroidi par une fournaise caniculaire. Pas de temps à perdre, cousin, faut sortir du cadre. Un pied devant l'autre, lyrique sans bazarder. Pas de temps à perdre, cousin, faut sortir du cadre. Un pied devant l'autre, lyrique sans bazarder. Calibre de matière précieuse qui est Golden Gun. Canon scié sur l'instru sous un clair de lune. 2-0-1-3, un mot de plus, troisième lancement. Instrumental, hey school, sortez vos pansements. Sortez vos pansements. CMP, F-O-R-O-N-E. 2-0-1-3.